petit a vu le jour. Dans les mondes cautionnés, la petite a vu le jour. Et je fais dans de lunettes.